Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que les États-Unis avaient commencé à créer une soi-disant armée syrienne libre qui implique des militants de l'État islamique et d'autres organisations terroristes. S'exprimant lors d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères syriens, iraniens et turcs à Moscou mercredi. Selon nos données, les Américains ont commencé à créer une soi-disant armée syrienne libre dans les environs de Raqqa, syrienne, impliquant des membres des tribus arabes locales, des militants de l'État islamique et d'autres organisations terroristes. Le but est évidemment d'utiliser ces combattants contre les autorités légitimes de la République arabe syrienne pour déstabiliser la situation dans le pays, a déclaré Lavrov. En outre, le ministre russe des Affaires étrangères a souligné que le principe clé pour les quatre pays était de faciliter le retour sûr et volontaire des réfugiés et de garantir leur droit à être soutenus. Le ministre russe des Affaires étrangères a souhaité succès à la Turquie lors de ses prochaines élections générales qui se tiendront le 14 mai, exprimant sa confiance qu'elle serait équitable, transparente et sans aucune ingérence. Après les entretiens, Lavrov a tenu une réunion bilatérale avec le ministre turc des Affaires étrangères, Cavusoglu. Afrique Média, le monde, c'est nous.